Jamais il n'a fait aussi chaud sur notre planète que cet été, et plus précisément qu'au mois de juin et juillet dernier, qui ont fait tomber comme des mouches les records de température, avec un 46 degrés atteint dans l'Hérault et une température globale estimée comme la plus élevée, non pas depuis le début des temps, mais depuis quasiment les débuts de la civilisation humaine. Mais que se passe-t-il exactement pour que le thermomètre s'affole à ce point-là? Quels sont les liens entre le réchauffement climatique global et ses pics de chaleur suffocante? Et surtout, ce qui est aujourd'hui l'exception est-il sur le point de devenir la règle? Vague de chaleur, on n'a pas fini d'en suer, c'est le programme transpirant qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et nous allons pouvoir nous tenir bien chaud tout au long de cette heure pour évoquer ces épisodes caniculaires avec nos trois invités du jour. Fabio D'Andrea, bonjour. Bonjour. Frédéric Courdin, bonjour. Bonjour. Vous êtes tous les deux physiciens du climat, directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Nous sommes en duplex depuis les studios de nos très très chers camarades de France Bleu Béarn à Pau avec Aurélien Ribes, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre National de Recherche Météorologique. Et puis, nous retrouverons tout à l'heure notre doctorante du jour, Katinka Gavrilescu, pour la reprise de la recherche montre en main. Sans oublier, bien sûr, maintenant et comme chaque jour désormais, Natacha Triou pour le Journal des Sciences Quotidien. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec le premier sujet de ce journal. Hier, Le Monde a publié un article qui révèle que l'Europe ne fait rien pour sauver les abeilles. La toxicité des néonicotinoïdes interdits à la fin de l'année dernière ne fait plus débat dans la communauté scientifique. En revanche, ce qui fait débat, ce sont les actuels tests abeilles que les industriels passent avant de commercialiser leurs pesticides. Depuis des années, le FSA, l'Agence Européenne de Santé, demande à l'Europe de remettre à jour les conditions d'évaluation des risques des pesticides. De nombreuses études montrent que les tests en vigueur sont insuffisants. Ce que l'on regarde essentiellement, c'est la toxicité à court terme sur les abeilles adultes. Or, depuis 20 ans, les recherches montrent que les insecticides peuvent avoir d'autres effets délétères. C'est passé un peu inaperçu cet été, ce sont nos collègues du Monde qui l'ont révélé hier. Le 17 juillet, la Commission européenne a repoussé la remise à jour de ces tests à l'été 2021. Axel de Courtier, écotoxicologue et directeur de l'Institut de l'abeille et du PRAD, protection des abeilles dans l'environnement, pour lui, des procédures d'homologation ont urgemment besoin d'être renouvelées. En fait, il y a vraiment un manque de concordance entre l'état des connaissances que l'on a sur la toxicité des pesticides, les effets chroniques, les effets à faible dose, les effets sur différents pollinisateurs, et les tests tels qu'ils sont actuellement et qui sont demandés aux sociétés lorsqu'elles veulent commercialiser les pesticides. Aujourd'hui, les pesticides qui sont mis sur le marché sont bien testés sur l'abeille. Par contre, on regarde uniquement si l'abeille va mourir à court terme, et alors qu'on sait très bien que les effets des pesticides sont tout autres. Par exemple, on a mis au point avec l'INRA et à l'Institut de l'abeille une méthode qui permet d'évaluer si les faibles doses de pesticides empêchent les abeilles de retourner à la ruche. Donc on a des doses qui ne sont pas mortelles directement pour les abeilles. Par contre, elles vont les désorienter. Et cela, on le sait depuis 2012. Donc à la suite de ces travaux que l'on avait fait à Avignon, l'EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, avait conclu qu'il fallait mettre à jour les procédures d'homologation pour prendre en compte ces effets des pesticides. Et c'est toujours pas fait. On passe au bref de science. Selon une nouvelle théorie relayée hier par la revue Science, le plus vieil impact d'astéroïdes de la Terre a peut-être contribué au dégel de la planète. Les géochronologues de la NASA viennent de dater le cratère australien, le cratère de Yarrabooba, large de 70 km. Il se serait forgé il y a 2,2 milliards d'années, lorsqu'un astéroïde s'est écrasé sur notre planète. Les chercheurs ont aussi souligné une coïncidence, l'impact est survenu à la fin de l'ère glaciaire, celle de la dite Terre boule de neige. Selon eux, le choc aurait vaporisé des épaisse couche de glace et projeté de la vapeur dans la stratosphère, formant ainsi un puissant effet de serre qui a contribué au dégel de la Terre. C'est une théorie encore en discussion, mais elle invite à approfondir nos connaissances sur le rôle de telles collisions sur le climat. Après 2 mois de procès lundi, la justice américaine a reconnu les laboratoires Johnson & Johnson responsables de la crise des opioïdes aux États-Unis. Le groupe pharmaceutique doit reverser à l'État de l'Oklahoma une amende de 572 millions de dollars. L'État en avait demandé 17 milliards. Depuis 1999, la crise des opioïdes a provoqué la mort de 400 000 personnes aux États-Unis. Ça représente 130 overdoses mortelles par jour. Les laboratoires Johnson & Johnson sont accusés d'avoir nié les effets d'addiction et encouragé la vente de leurs médicaments, l'un des plus puissants opiacés sur le marché. C'est la première sanction dans cette crise de santé publique. 2000 autres affaires sont en cours. Le groupe a déjà annoncé vouloir faire appel. Et en archéologie, sur la côte nord du Pérou, la découverte hier d'un site de sacrifice d'enfants le plus grand du monde. Les fouilles ont commencé en 2018 et viennent de mettre à jour les squelettes de 227 enfants. Des enfants de 4 à 14 ans sacrifiés pour stopper les pluies diluviennes. Il s'agit là de la civilisation précolombienne Chimú, présente au Pérou de l'an 900 jusqu'au 15e siècle. L'empire Chimú a été bien connu des archéologues pour ses sacrifices massifs d'enfants, mais cette découverte est sans équivoque. Merci Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences, un Journal des Sciences que vous pouvez podcaster et retrouver en avant-première chaque jour sur France Culture et évidemment en complément comme tout le reste de l'émission sur le fil Twitter de la méthode scientifique auquel vous êtes bien évidemment abonné maintenant depuis la 4e saison. Vous avez eu le temps, c'est le compte @laméthodefc. Je disais donc tout à l'heure, le mois de juillet 2019 aura été le mois le plus chaud, non pas de la décennie, non pas du siècle, mais vraisemblablement de l'histoire de l'humanité, ou tout du moins de l'humanité faisant civilisation. Cela ne correspond peut-être pas à notre ressenti direct ou personnel, hein, peut-être sommes-nous déjà d'ailleurs en train de nous adapter à ces nouvelles températures et à ces vagues de chaleur récurrentes, et pourtant, eh bien, les statistiques sont sans appel, ces vagues de chaleur surviennent de plus en plus fréquemment. Écoutez cet archive qui date du mois de septembre 1961. Revenons en France pour constater que cette saison des vendanges est marquée par un regain de chaleur sans précédent, vous avez pu le constater. Hier, on a enregistré des températures voisines de 37 degrés. Oui, on avait dit que cette augmentation de la température est due à l'ouragan qui ravage l'Europe septentrionale. Il n'en est rien, un ingénieur de la météorologie nous le disait hier au cours d'Interactualité, il s'agit d'une influence des vents sahariens. On comprend que ces vents soient un peu plus chauds que les vents ordinaires en cette saison. En fait, ce week-end de la mi-septembre avait pris la physionomie d'une fin de semaine de juillet. Premier résultat aussi éloquent qu'un thermomètre, les citadins ont recherché la fraîcheur des forêts et des bords de l'eau. On signale en de nombreux endroits des cas d'insolation. Faut-il dire que la circulation fut particulièrement dense et plus nerveuse encore qu'à l'ordinaire. Bien entendu, des pneus ont éclaté. Les conséquences de ces éclatements furent souvent tragiques. Ainsi, près de Dreux, un accident semblable a causé 1 mort et 7 blessés. Extrait d'Interactualité le 18 septembre 1961. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on vient d'entendre, cette archive, et ce qu'on vient de vivre cet été, Frédéric Courdin? C'est une question bien difficile. La différence, c'est que ce type d'événement était beaucoup moins fréquent à l'époque. On pense que le signal lié au réchauffement climatique, il est vraiment devenu visible à la fin des années 80, dans les années 90. Et donc, là, depuis, on a une répétition d'événements qui sont sans doute au moins aussi forts ou plus forts que celui-là. Jusque-là, on avait des statistiques assez relativement constantes dans le temps, c'est-à-dire on avait des canicules régulièrement, tous les 20 ans, tous les 10 ans, des événements un peu plus forts. Et là, ce à quoi on assiste depuis les années 90, c'est de plus en plus d'événements parce que globalement, le climat se réchauffe. Aurélien Ribes. La première chose qu'on peut dire en termes de différence, c'est que les événements de cet été, enfin les épisodes plutôt chauds de cet été, étaient plus chauds que les précédents. Puisqu'en France, on a battu un grand nombre de records, donc avec 2 épisodes distincts, hein, de canicule. Le premier à la fin du mois de juin, à peu près 6 jours. Au cours duquel on a enregistré donc le record absolu de température en France métropolitaine avec 46 degrés dans l'Hérault, comme vous aviez indiqué tout à l'heure. Et puis un deuxième épisode en juillet, deuxième moitié de juillet, également à peu près une durée de 6 jours, avec une pluie de record, cette fois-ci plutôt dans le centre et le nord de la France, avec des valeurs... on a passé les 43 degrés en Île-de-France, hein, ce qui était vraiment jamais vu depuis qu'on fait des relevés météo, donc... en tout cas de façon certaine depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, hein, pour les relevés généralisés et à pas de temps quotidien sur la France. Ce qui me fait dire, parce qu'on a lu que ce mois de juillet était le plus chaud, je le disais sous forme un peu de clin d'œil, mais c'est ce qui apparaissait tout de même dans la presse, le plus chaud depuis 2000 ans. Comment est-ce qu'on peut être sûr que c'est le plus chaud depuis 2000 ans? On a des relevés depuis un siècle et quelques. Qu'est-ce qui nous indique qu'on a atteint un maximum de température de la civilisation humaine, de l'histoire, de l'histoire occidentale, disons en tout cas. C'est une très bonne question. Et on a des Fabio D'Andrea. Merci. On a des mesures fiables depuis, instrumentales depuis 150 ans. Et après la fin de la guerre, on a des données qui sont vraiment réélaborées et qui sont très fiables. On remonte plus loin dans le passé en utilisant des marqueurs géologiques, ce qu'on appelle les proxys géologiques. Qui peuvent être quoi, par exemple? Par exemple, des sédiments marins, des substances qui se trouvent dans les stalactites, dans les stalagmites, des choses qui ont à faire avec les cercles de croissance des arbres. Enfin, il y a tout un tas de choses. Et il y a beaucoup de collègues qui travaillent justement sur ça. C'est un travail très compliqué. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment affirmer aujourd'hui de façon certaine que ce mois de juillet est véritablement le plus chaud depuis 2000 ans? Ou est-ce que c'est une formule un peu symbolique pour marquer les esprits, Frédéric Gourdin, pardon? Je ne suis pas suffisamment spécialiste des données pour répondre à cette question. Ce qu'on voit très bien, c'est que si on regarde les statistiques sur la période qui est connue, il y avait vraiment une période... jusqu'à 1850, oui, voilà, à peu près. Dire, voilà, quand on regarde là où on a des données plus fiables, ce qu'on voit très bien, c'est que jusqu'aux années 90, on avait typiquement une température moyenne sur la France qui était de 17 degrés, et on avait des étés qui étaient plutôt à 18,5 et d'autres qui étaient froids, qui étaient à 15,5. Et ça, ces statistiques-là, elles semblaient relativement stables. Et ce qui se passe, c'est que depuis les années 90, on bat record sur record. Et moi, une chose que j'aime bien dire, c'est si on regarde les températures moyennes de l'été sur la France, en fait, depuis 1990, il n'y a pas eu un été qui était en dessous de la moyenne de la période qui précédait. Tous les étés sont au-dessus de la moyenne sur les 150 ans qui précèdent. Voilà. Alors, j'aimerais qu'on fasse un petit point terminologique, peut-être, parce qu'on parle de vagues de chaleur, de coups de chaud, de pics, de canicules. De quoi parle-t-on exactement? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tout cela renvoie à des réalités météorologiques différentes, Frédéric Gourdin? Ou peut-être Aurélien Ribes? Oui, alors, on a des définitions qui sont utilisées par Météo France pour caractériser et analyser ces vagues de chaleur, y compris rétrospectivement. Donc aujourd'hui, ce qu'on définit vagues de chaleur, alors pour la France métropolitaine, on se base généralement sur un indicateur thermique national qui est une moyenne de 30 stations de mesure de température qui sont bien réparties sur le territoire pour couvrir l'ensemble de ce territoire. Et dans ce qu'on appelle vague de chaleur, en fait, il y a plusieurs conditions qui sont demandées pour avoir une vague de chaleur. La première, c'est qu'on ait une journée qui dépasse un certain seuil, une valeur très élevée de température. Donc, on parle de température ici moyenne, hein, donc c'est la moyenne des maximales, et celles qui sont relevées généralement au cœur de l'après-midi, et des minimales qui sont relevées souvent au petit matin. Donc, température moyenne quotidienne, qui en moyenne sur le territoire métropolitain dépasse 25,3 degrés. Et ça, en fait, c'est on choisit ce seuil parce que en moyenne sur la période de référence qui est toujours utilisée donc par Météo France, hein, qui est la période 1981-2010, eh bien, on a une chance sur 200 seulement pour un jour tiré au hasard de dépasser cette valeur. Voilà. Donc, on demande à ce qu'il y ait une journée qui passe ce seuil, et ensuite on va considérer que la canicule s'étend. Pour être, disons, un peu schématique, sur toute la durée au cours de laquelle on reste au-dessus d'un autre seuil qui est un petit peu moins élevé, autour de 23 degrés. Et donc ensuite, à partir de cette définition, donc on a une date de début, une date de fin, on a une température maximale observée, on peut calculer aussi une intensité moyenne de l'événement, et donc ça nous permet de faire des comparaisons sur les différents épisodes. Voilà, donc et à partir du moment où ces conditions sont réunies, donc on considère qu'on a eu affaire à une vague de chaleur. Et donc c'est sur la base de ces critères qu'on a eu deux épisodes cet été. Et cette définition est un petit peu différente puisqu'elle est basée uniquement sur une moyenne nationale, un petit peu différente des critères qui sont utilisés pour la vigilance météo. Donc la vigilance météo, ce sont les cartes bien connues, je pense, de la plupart des auditeurs, avec du vert, du jaune, de l'orange ou du rouge, qui indiquent le niveau de dangerosité des phénomènes météorologiques attendus. et donc dans lesquels en fait il y a un niveau de seuil également, mais plutôt par département. Donc c'est très différent évidemment selon qu'on est dans le Finistère ou dans la basse vallée du Rhône, par exemple. Mmh. Voilà. Il y a des seuils qui sont plus variables. Mais donc, au niveau national, c'est cette définition-là. Et ce qui distingue de la vague de chaleur de la canicule, c'est simplement une question de durée ou c'est aussi une question de température, Aurélien Ribes? Alors, pour moi, ce sont deux termes qui signifient à peu près la même chose. Hein. Je ne sais pas si les deux autres intervenants seront de cet avis-là, mais je ne fais pas de réelle différence. Frédéric Courdin confirme, Fabien Dandréa, ouais, c'est la même chose. Je peux rajouter quelque chose? Oui, bien sûr, évidemment. Sur la définition, donc, c'est très intéressant la définition qu'il a donnée, et qu'évidemment, on a besoin d'une définition précise si on veut faire des statistiques sur le passé, voir si ça augmente, si ça diminue, etc. Mais il n'y a rien de figé, en fait, c'est des définitions qu'on peut décider. Et selon l'application qu'on fait, de l'étude qu'on fait, on utilise des définitions différentes. Par exemple, si on s'intéresse à l'impact de la canicule sur la santé ou sur l'agriculture, on peut vouloir utiliser d'autres indicateurs qui sont liés à l'impact. Par exemple, si on sait qu'à partir d'un certain seuil, on augmente la mortalité, eh bien, on utilisera celle-là, ou les impacts sur certaines cultures, etc. Avec en particulier la distinction entre les températures de jour et de nuit, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup des extrêmes chauds, et en fait, pour la santé, par exemple, les températures nocturnes, on sait, sont très importantes, donc on peut vouloir mettre des seuils avec un certain nombre de nuits au-dessus d'un certain seuil et faire des indices beaucoup plus compliqués. Quoi. Dernier complément, oui, c'est que pour tout un tas d'applications, il y a aussi un intérêt à étudier des vagues de chaleur ou plutôt des épisodes chauds, disons, qui n'ont pas lieu en été, en fait, mais à d'autres saisons, notamment des périodes chaudes qui peuvent se dérouler au cœur de l'hiver ou dans les saisons intermédiaires. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, les définitions sont différentes. Mm-hmm. Donc effectivement, on peut s'adapter toujours au contexte et à l'objet d'études. J'aimerais vous entendre aussi peut-être un mot également à propos de ce qui est pour nous ici en France le maître étalon de l'épisode caniculaire, c'est-à-dire 2003. Aujourd'hui, 2003 reste un épisode absolument exceptionnel comparé à ce que nous avons vécu cette année et les années précédentes. Ou est-ce que, au contraire, on est en train de se rapprocher de ce qu'a été cet épisode particulier et qui évidemment dénote encore un peu quand on regarde sur les schémas? Aurélien Ribes. Oui, 2003 reste, alors au sens des définitions que j'ai données, l'épisode globalement le plus intense, et c'est effectivement la référence souvent utilisée, et celui qui a le plus marqué les esprits également. Cependant, cette année, en juillet, l'épisode de juillet, on a battu le record qui datait de 2003 de la valeur la plus élevée de température moyenne France. Donc on a eu une journée qui était plus chaude que toutes les journées de 2003 cette année. Et on a aussi eu d'autres épisodes, notamment par exemple en juillet 2006, qui étaient plus longs que 2003, mais pour autant avec une intensité globale moindre. Mais c'est sûr que ça reste l'épisode le plus fort enregistré jusqu'à aujourd'hui. Toutes les études qui sont faites sur, mais je pense qu'on y reviendra plus tard, sur le climat du futur nous indiquent que petit à petit, on va avoir de plus en plus d'épisodes qui vont se rapprocher de 2003 et même le dépasser en intensité. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Alors, que s'est-il passé exactement cet été? On va essayer de comprendre les mécaniques climatiques et météorologiques qui sont à l'œuvre. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'Institut Pierre-Simon Laplace pour rencontrer des membres de l'équipe européenne de climatologie qui a étudié cette vague de chaleur. Oui, il s'agit d'une analyse qui nous éclaire sur le lien entre les activités humaines et l'augmentation, aussi bien en nombre qu'en intensité, des vagues de chaleur. J'ai rencontré Olivier Boucher, qui est directeur de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Il a participé à cette analyse statistique et il nous éclaire sur les prédictions faites grâce au modèle climatique auquel lui et ses collègues ont eu recours. Si ces modèles statistiques sont perfectibles, ils nous permettent tout de même de nous confronter à toute une variété de scénarios, des plus optimistes aux plus pessimistes. On observe ces vagues de chaleur qui deviennent assez récurrentes. Et on se pose la question du rôle du changement climatique en cours et donc de l'homme sur à la fois l'intensité et la fréquence de ces vagues de chaleur. Pour cela, bien sûr, on regarde les observations. Donc on dispose d'observations de température de bonne qualité, disons, et de manière assez continue depuis le milieu du XXe siècle. Et puis, on regarde aussi des modèles, donc des simulations numériques qui nous donnent un grand nombre de données dans le monde des modèles et qu'on va analyser pour essayer de comprendre les mécanismes sous-jacents de ces vagues de chaleur, mais aussi les changements d'intensité d'occurrence qui sont en cours. Alors si on regarde un petit peu ce que vous avez réalisé cet été, là on est dans votre bureau, on est face à votre ordinateur, est-ce que vous auriez des choses à me montrer qui ont été réalisées dans le cadre de cette analyse de la canicule et des vagues de chaleur de l'été 2019 en Europe et en France? À quoi ça ressemble et à partir de ces observations-là, qu'est-ce que vous tirez comme objet scientifique, on va dire? Voilà, donc là on a une série temporelle, hein, des observations, c'est la courbe noire, qui montre les observations de la température en été, depuis le début des observations, disons 1880 jusqu'à nos jours. Et on voit donc des étés plus chauds que d'autres, donc des étés qui sont sujets à canicules, comme l'été 2003, dont on se souvient encore, et l'été 2018, avec des canicules plus courtes, mais plus intenses aussi. Donc on voit qu'il y a une tendance à l'augmentation, hein, dans les dernières décennies, vers des étés donc plus chauds et plus caniculaires. Et on montre aussi donc des simulations numériques qui reproduisent la période historique et le changement climatique en cours, avec l'avantage qu'on n'est pas obligé de se restreindre à une simulation. Le modèle permet d'aller explorer un plus grand nombre de situations, parce qu'il y a ce caractère aléatoire dans la météorologie et dans le climat sur les petites échelles de temps, qui fait que sur des événements comme ça qui sont très rares, bien la période sur laquelle on dispose des observations est relativement courte, et en plus il y a un changement climatique en cours, et donc le modèle nous permet d'aller explorer un grand nombre de climats possibles, et donc là on a une dizaine, une vingtaine, même une trentaine de simulations historiques. Le modèle permet aussi d'aller explorer le climat qu'on aurait eu sans l'action de l'homme, sans le réchauffement dû au gaz à effet de serre. Et donc dans un tel climat, ici, eh bien, on aurait un nombre d'été caniculaires qui serait beaucoup moins fréquent, donc beaucoup moins probable. Pour la canicule du mois de juin, à partir des observations qu'on avait une probabilité qui était 10 fois plus élevée d'avoir une canicule de cette intensité, avec une période de retour qui est maintenant de 30 ans, donc c'est-à-dire en moyenne une telle vague de chaleur peut revenir tous les 30 ans. Alors qu'avant on estimait à quel écart de temps? Sur la base des observations, ça serait tous les 300 ans, voilà, donc une augmentation d'un facteur 10. Les modèles nous montrent aussi une augmentation, mais un peu moindre, disons d'un facteur 2 à un facteur 20. Dit autrement, sans le changement climatique dû à l'homme, cette vague de chaleur, elle aurait été 4 degrés moins intense selon les observations. Dans les modèles, c'est plutôt autour de 2 degrés moins intense. Et donc maintenant, il faut travailler pour comprendre pourquoi il y a ce désaccord entre observations et modèles. Voilà, donc là, ça, ce sont des analyses purement statistiques qui ne s'intéressent pas vraiment à la situation météorologique sous-jacente. Et bien évidemment, chaque canicule, chaque événement est un peu différent, et il y a des situations météorologiques qui diffèrent. Donc la canicule du mois de juin, c'était plutôt une advection d'air chaud qui venait du Sahara, alors qu'on a d'autres types de canicules qui sont dues à des situations de blocage où on a un air vraiment qui stagne et qui se réchauffe progressivement, avec une amplification qui peut être liée au fait que l'humidité des sols est très basse, et donc on n'a pas ce refroidissement par évaporation qu'on a d'habitude. Voilà. Et donc maintenant le travail, c'est d'aller voir si on a des situations météorologiques similaires dans les simulations numériques, avec bien entendu la question de savoir est-ce que ces situations météorologiques, elles sont juste exceptionnelles, ou est-ce qu'elles aussi, elles sont influencées par le changement climatique. Donc là, il y a un lien très fort à faire entre météorologie et climatologie. Si on reprend un peu ces courbes qu'on voit à l'écran, ces courbes un peu prospectives, sur les périodes 2020-2100, si on prend le cas le plus critique, le plus pessimiste et le cas le plus optimiste, à quoi ressembleraient nos étés en 2080, par exemple, en France, selon la perspective la plus pessimiste et selon la perspective la plus optimiste? Voilà, il y a une telle inertie dans le système climatique qui fait que jusqu'en 2040, il faut s'attendre à une augmentation de ces canicules, et donc il faudra s'adapter. Et un été type 2003 ou 2018 en 2040 deviendra très fréquent, peut-être une chance sur deux. À partir de 2080, effectivement, hein, soit on continue à émettre de plus en plus de gaz à effet de serre, et là, un été comme 2003 ou 2018 sera considéré comme un été froid en 2080, donc ça c'est le scénario pessimiste. Ou alors on arrive vraiment à rester sous la barre des 2 degrés, hein, donc ce qui correspond aux engagements des États dans le cadre de l'accord de Paris. Et là, on a toujours un réchauffement, hein, attendu en 2080, mais qui se stabilise, et donc qui est avec un été moyen qui est de l'ordre de celui de 2003 ou 2018. Voilà ce reportage du jour, Olivier Bouchet à l'Institut Pierre-Simon Laplace. Peut-être une réaction les uns les autres à ce que vous venez d'entendre, Frédéric Gourdin ? Non, écoutez, oui, non, j'ai pas grand-chose à rajouter comme ça. Peut-être on peut rentrer plus dans l'explication qu'il y a, de ce qu'il y a derrière ces modèles, parce que bien sûr. On voit ça un peu comme peut-être un peu de magie là. Voilà, on a parlé dans l'introduction de modèles statistiques. En fait, c'est vraiment des modèles. Toutes ces simulations dont on parle, en fait, c'est des simulations de la météorologie à l'échelle du globe. Hein, c'est-à-dire, c'est vraiment les mêmes modèles que ceux qui font la prévision météorologique, où on décrit tous les 200 km typiquement, on donne des valeurs de la température, de l'humidité, on met en œuvre les équations de la mécanique des fluides et tout un tas d'autres choses. Et toutes les demi-heures, on va recalculer l'état complet de l'atmosphère. La météorologie partout, s'il y a un cyclone quelque part, une tempête ailleurs, des pluies sur les tropiques, et ça va changer exactement comme le climat, comme une météorologie réelle, mais sauf que c'est pas la réalité de ce qui s'est déroulé, c'est une histoire qui aurait pu être celle de la Terre si notre modèle était parfait. Mais enfin voilà. Et si on modifie un tout petit peu les conditions. On rappelle que vous travaillez pour des raisons de complexité sur des modèles évidemment simplifiés, qui s'affinent d'année en année, mais qui restent encore des modèles simplifiés. Voilà, des modèles dans lesquels il y a une partie qui est très robuste, qui est la partie de la mécanique des fluides, qui repose sur des équations type Navier-Stokes. Alors on aime bien dire d'ailleurs qu'on fait de la. En fait, nos modèles sont basés sur de la physique assez ancienne, c'est de la physique typiquement du 19e siècle, mais on fait une science du 21e siècle parce que c'est une science qui est de la complexité et avec les ordinateurs. Et donc il y a une partie qui est assez bien connue. Et le problème, c'est que cette partie qui est bien connue, donc c'est les écoulements à grande échelle. Hein, c'est les mêmes lois, en fait, que l'écoulement d'air sur une aile d'avion, par exemple. Mais en fait, nous, dans 200 km de chaque tuile de notre modèle, on va dire, chaque maille de notre modèle, en fait, c'est 200 km par 200 km. Donc dedans, il y a plein de nuages, plein de types de végétation. Il peut même y avoir une côte, un peu d'océan, un peu de terre, etc. Et donc là, on est obligé de faire des modèles d'une nature un peu différente, qui sont moins basées directement sur la physique, c'est basé à la fois sur des principes physiques de conservation d'énergie, thermodynamique, à nouveau de la physique assez ancienne, et sur une description des phénomènes. Qu'est-ce qu'un nuage? Comment ça interagit? Donc c'est des modèles qui sont en fait... Il y a plus de complexité dans ces modèles que dans le modèle qui est bien connu de la dynamique des fluides. Et il y a beaucoup de morceaux comme ça qu'on est obligé de mettre, les nuages, la végétation, tout un tas de choses, pour arriver à faire un modèle. Mais c'est exactement les mêmes modèles qui sont utilisés en prévision du temps. Hein. C'est-à-dire la prévision météorologique ou le changement climatique, c'est fait avec les mêmes modèles. Ces modèles de simulation de l'écoulement atmosphérique sur toute la surface du globe, calculés demi-heure après demi-heure, on va dire. Sauf qu'en prévision du temps, on prévoit le temps qu'il va faire dans une semaine de façon déterministe, alors que nous, on fait des simulations sur des centaines d'années. Et ce qu'expliquait Olivier Bouchet, c'est que avec le modèle, on peut faire plusieurs réalisations possibles du climat et faire plus de statistiques qu'avec la seule réalisation qu'on a eue, qui est le climat dans lequel l'histoire météorologique dans laquelle on vit. On va revenir sur ces mécaniques atmosphériques et sur pour essayer de comprendre ce qui se passe justement. Je le disais tout à l'heure au niveau local et au niveau global quand surviennent ce type de vagues de chaleur. J'aimerais juste qu'on redise un mot parce que je pense que il est important de le redire ou de le réexpliquer aujourd'hui. Fabio D'Andrea, il n'y a aujourd'hui aucun doute, ou disons quasiment aucun doute, sur l'origine anthropique de la multiplication de ces vagues de chaleur. On peut le certifier ? Oui, il y a des études spécifiques qui se font pour, pas seulement le spécifier, mais calculer de combien les probabilités ont changé dues à l'homme. Ça s'appelle les études d'attribution. Et ça se fait pour chaque événement individuel. Donc s'il y a une certaine canicule, on la reproduit de la manière meilleure qu'on peut faire selon le climat actuel et selon un climat où il n'y aurait pas l'intervention de l'homme. C'est-à-dire sans gaz à effet de serre, sans voilà. Mais en respectant la même situation météorologique. Et il y a un delta important entre les deux? Et surtout, on répète cette simulation plusieurs fois, 1000 fois par exemple, et on compte dans combien on trouve une canicule dans un cas et dans l'autre. Et comme ça, on a une différence de probabilité. Mais... Et donc ça répond à la question, est-ce que cette canicule-là est due au changement climatique ou pas? Et on ne peut pas répondre à cette question sans une étude de ce type-là. Et d'ailleurs, Olivier Bouchet l'a bien expliqué. Et autre question qui me semble toujours utile de poser pour le redire, parce que ça ne va pas de soi. Je disais au tout début, sous forme de clin d'œil, mais c'était évidemment un clin d'œil, jamais il n'a fait aussi chaud sur notre planète que sur cet été. Bien entendu que la Terre a eu des climats bien plus chauds que celui que nous vivons aujourd'hui. Mais il faut rappeler que la différence peut-être Aurélien Ribe, entre ce que nous vivons, le réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui et les aires de réchauffement climatique que la planète a pu connaître avant l'expansion de la civilisation humaine, c'est une différence de temps pendant lequel ce réchauffement se déroule. Aujourd'hui, tout va nettement beaucoup plus vite que ce qui s'est passé il y a plusieurs centaines de millions d'années à l'échelle géologique. Oui, absolument. Le rythme du changement est très différent de celui qu'on a pu connaître, par exemple, au cours du dernier million d'années, qui a été caractérisé par des alternances de périodes glaciaires, qui sont les périodes froides, et interglaciaires, qui sont les périodes chaudes. Pour donner un ordre de grandeur de cette chose-là, la partie rapide de ce cycle glaciaire-interglaciaire, donc qui est le réchauffement, en fait, le passage d'un état glaciaire à un état interglaciaire, voit à peu près la température moyenne de la planète augmenter, disons, à la louche de 5 degrés. Et c'est une transition qui se passe en 10 000 ans. Ce qui est prévu actuellement, s'il n'y a pas d'effort particulier pour limiter les émissions de gaz à effet de serre au cours du 21e siècle, c'est un changement de température moyenne de la planète qui est du même ordre de grandeur, mais qui se concentre en 100 ans. Donc le rythme est à peu près 100 fois plus élevé. Et ça fait une grande différence. Alors ensuite, si je peux, je voudrais réagir un petit peu au reportage qu'on a entendu et aux explications d'Olivier qui étaient excellentes sur effectivement l'attribution d'événements et donc cette science qui se développe de plus en plus, qui consiste à rétrospectivement étudier un événement extrême, quel qu'il soit. Ça peut être une vague de chaleur, c'est plutôt d'ailleurs plus facile quand il s'agit d'une vague de chaleur que des précipitations ou des tempêtes, afin de décrire de quelle façon l'influence humaine sur le climat a pu modifier les propriétés statistiques de cet événement, soit en termes d'intensité, soit en termes de fréquence. C'est quelque chose qui se développe et qui devient de plus en plus, des calculs qui deviennent de plus en plus rapides et systématiquement faits, qui ont été refaits, donc Olivier parlait lui de l'épisode de juin, une autre étude déjà a été faite sur l'événement de juillet. Et donc quand on parle de vagues de chaleur en France, en fait on trouve toujours des résultats du type... en termes d'intensité, la contribution de l'homme, c'est un réchauffement de l'ordre de, disons, 1,5 à 3 degrés. Alors, Olivier parlait de 4 degrés pour juin. C'est une valeur plutôt certainement assez haute en termes d'estimation. Mais disons, de l'ordre, allez, disons, 2 degrés à peu près. Et c'est tout à fait cohérent avec le réchauffement moyen qu'on observe en France en été, depuis 100 ans, sur la base des relevés observés disponibles à Météo France, par exemple. Et dans le même temps... Alors là, je vais donner un peu des chiffres pour juillet, mais c'est des chiffres qui sont assez représentatifs. Quand on parle de changement de fréquence de ces événements, donc la probabilité d'occurrence de ces événements, en fait, ce décalage de 2 degrés qui peut sembler somme toute assez modeste, sachant que la température varie de plusieurs degrés du jour au lendemain, dans le même temps, en termes de fréquence, on trouve typiquement des valeurs de x 50 à x 100, donc c'est-à-dire la probabilité d'occurrence a été déjà aujourd'hui multipliée par 50 ou 100 par rapport à ce qu'elle était dans le monde dit contrefactuel, donc celui dans lequel il n'y a pas d'influence humaine. La raison à ça, c'est qu'en fait, il suffit de quelques degrés de décalage de la distribution des températures pour massivement changer les probabilités d'occurrence de ces événements, parce qu'il s'agit d'événements en fait qui sont très très rares, qui seraient très très rares plutôt s'il n'y avait pas d'influence humaine. Et donc, on arrive vite à des chiffres en fait très élevés. Et ce qui est frappant, c'est que souvent les climatologues dans leurs résultats sont face à des chiffres finalement tellement élevés, x 50, x 100, qu'ils se concentrent sur la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Et donc, on a souvent des communiqués du type « Ah oui, la probabilité de cet événement a été au moins multipliée par 5. » Et 5, par exemple, ce sera la borne inférieure. La valeur estimée, c'est plutôt de l'ordre de quelques dizaines, voire une centaine. Et si on regarde en fait la borne supérieure, qui est digne d'intérêt aussi, on a parfois, c'était le cas notamment pour la canicule de juillet, des choses de l'ordre de fois 1000. Alors pourquoi une telle volatilité dans les résultats? C'est parce que, évidemment, tout ça est très lié à quelle serait la probabilité d'occurrence de ce type d'événement dans un monde donc sans influence humaine. Elle est tellement faible, en fait, qu'elle devient difficile à estimer. Quand on a des probabilités de l'ordre de 1 pour 1000 ou 1 pour 10 000, ça complique le calcul. We'll be right back. Heatwave sur France Culture dans la méthode scientifique à 16h35 pour parler bien justement de ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus fréquentes, notamment celles que les deux que nous, auxquelles nous avons pu assister et que nous avons vécu cet été en juin et en juillet. Nous en parlons avec Aurélien Ribe qui est avec nous en duplex depuis France Bleu Béarn à Pau, qui est chercheur au Centre National de Recherche Météorologique, et avec Fabio D'Andrea et Frédéric Ourdin, tous deux physiciens du climat et directeurs de recherche CNRS au laboratoire de météorologie dynamique. Mais avant de poursuivre eh bien, nos échanges, nous ajoutons une participante au débat qui va commencer par nous présenter ses travaux de recherche. Bonjour à tous. Bonjour Katinka Gavrilescu. Bonjour Nicolas. Vous êtes doctorante en première année de thèse à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté. Vous travaillez sur l'impact du changement climatique sur la viticulture, évolution et effet des phénomènes caniculaires et gélifs. Bienvenue à la Recherche Montre en Main. Bonjour à tous, merci bien de m'avoir accueilli. Je suis vraiment ravie d'être ici et de vous faire part de mes travaux. Donc, tout était déjà dit, mais je vais essayer de recaler ça sur la vie maintenant. Comme vous l'avez déjà mentionné, de manière très générale, mes recherches s'intéressent à l'impact du changement climatique sur la viticulture en Bourgogne-Franche-Comté. Pour aller plus en détail, je m'interroge sur le rôle du changement et du réchauffement climatique sur l'évolution du risque associé aux extrêmes thermiques. En quelle mesure le changement climatique modifie la variabilité des températures et quelles en sont les conséquences sur la vigne? Est-ce que le basculement d'une période froide à une période chaude ou l'inverse devient de plus en plus courant dans un climat futur? Ce sont des questions comme celles-ci qu'on se pose et auxquelles moi-même et mon équipe de Centre de recherche de climatologie de Dijon, nous cherchons à répondre. Tout d'abord, on va rapidement définir ce qu'est un événement thermique extrême et ensuite je vais vous raconter pourquoi leur évolution dans l'avenir se trouve au cœur de préoccupation de la filière viticole. Les événements thermiques extrêmes sont des phénomènes météo sévères liés aux variations de la température. On a deux types qui, dans la plupart des cas, sont associés à des pertes sociétales ou agricoles plus ou moins significatives. Je parle ici, bien sûr, de gel et de canicules. Alors, en quoi ce type d'événements ainsi que leur évolution future inquiètent-ils les producteurs du vin? En fait, la vigne est une plante pérenne, c'est-à-dire que son cycle de vie dure en moyenne 30 à 40 ans. Qui est fortement sensible aux variations brutales de température. En France et en Bourgogne-Franche-Comté, les températures moyennes ont déjà vu une augmentation de plus d'un degré depuis les années 60. Cependant, le réchauffement climatique ne conduit pas qu'à une augmentation de la température moyenne, mais aussi à un changement au niveau de la fréquence et de l'intensité des aléas météorologiques tels que le gel et la canicule. Des épisodes de gel tardifs ou printanières qui ont entraîné des pertes importantes de récolte ont pu être observées pendant les dernières 4 années, pas que dans les sous-régions viticoles de Bourgogne et du Jura, mais aussi du côté de Bordeaux, de l'Alsace, de l'Alsace et de la Val-de-Loire. Comme on peut le voir, il s'agit d'un phénomène très généralisé auquel les viticulteurs se confrontent assez souvent. Mais si le climat se réchauffe, alors pourquoi la vigne continue-t-elle de geler pendant le printemps? En fait, la vigne, comme toute autre plante, dispose d'une certaine plasticité qui lui permet d'adapter sa réponse aux conditions climatiques de la saison. Mais la moindre modification de son environnement de croissance conduit à des perturbations de comportement qui, dans le contexte de changement climatique actuel, peuvent la rendre vulnérable lorsqu'une variation abrupte de température se produit. Je parle ici notamment de l'avancement de la date de sortie des bourgeons, qui sont des tissus verts composés à plus de 90% de l'eau et donc très sensibles aux gelées, notamment tardives. Lorsqu'on parle des épisodes caniculaires et de leur incidence sur la vigne, les dégâts que l'on observe souvent sur la plante sont dus à un double effet. Il s'agit du couple température et stress hydrique. Si l'hiver n'est pas suffisamment pluvieuse, la disponibilité de l'eau dans le sol pendant la période de croissance de la vigne, qui c'est l'été, est faible. Le risque d'apparition des brûlures sur les feuilles et les grappes, ainsi que d'échafaudage des grappes, augmente en cas de longues périodes où les vignes sont exposées à des températures supérieures à 35 degrés. C'est justement ce qui s'est passé cette année au sud de la France et à Chablis où les températures ont dépassé 40 degrés localement. Mais comment on fait plus concrètement pour estimer le risque de demain? En s'appuyant sur des simulations issues des modèles numériques. Dans mes recherches, j'utilise deux modèles. Un modèle qui simule le climat et un modèle qui reproduit le fonctionnement physiologique de la vigne. C'est en croisant ces deux informations que l'on peut élaborer des hypothèses par rapport à la tendance du risque dans les différents territoires viticoles jurassiens et bourguignons. Vu que l'amplitude de réchauffement climatique n'est pas la même selon les différentes sous-régions viticoles, on peut s'attendre à une évolution du risque propre à chacun de ces espaces. De où la l'importance de l'estimer. Cela nous permettra d'identifier les zones viticoles les plus vulnérables aux fluctuations extrêmes de température dans le futur. C'est sur ces zones que les acteurs du territoire, comme les exploitants viticoles ou encore les collectivités, qui devront prioriser la mise en place des systèmes d'alerte et de lutte contre le gel et les canicules afin de protéger la vigne et son écosystème. Merci beaucoup Katinka Gavrilescu. Voilà une application de ces modèles de prévision climatique, notamment bien et justement, et on n'aura pas le temps de l'évoquer, ça donnera lieu à une autre émission, à ce que l'on peut attendre et à l'impact de ces changements climatiques et de la multiplication de ces vagues de chaleur sur beaucoup de choses, sur la flore en l'occurrence. D'ailleurs, ça me fait penser que très récemment, il y a eu sur l'île de Wight au Royaume-Uni, une plante nommée Cycas revoluta qui ont produit des organes mâles et femelles, ce qui ne s'était pas vu depuis 60 millions d'années à ces latitudes, ce qui donne bien l'ampleur des changements en cours. J'aimerais qu'on essaie de comprendre avec vous maintenant ce qui se passe concrètement, parce qu'il y a un certain nombre de mécanismes atmosphériques. Il y a notamment un débat qui me semble intéressant à aborder sur qui serait finalement peut-être à l'origine de la multiplication de ces phénomènes de vagues de chaleur multiples, celui d'une modification des courants atmosphériques. Fabio Dandré, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cette hypothèse et éventuellement la mettre en débat, parce que je crois qu'elle ne fait pas l'unanimité? Oui, ah, c'est une très bonne question. D'ailleurs, Olivier Boucher, on revient toujours à lui, l'a dit, les vagues de chaleur sont dues à des configurations météorologiques, c'est le temps. Mmh. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On connaît deux régimes de temps qui créent les canicules. C'est soit une situation où il y a un flot d'air du sud qui investit le continent. C'était le cas de juin, par exemple. On est resté avec ce flot du sud qui a porté de l'air très chaud pendant plusieurs jours. Du Sahara, c'est oui. De l'air du Sahara. Soit on est dans des conditions de blocage, on dit. C'est-à-dire c'est une situation de haute pression qui se place sur le continent et reste là, et donc l'air reste stagnante pendant longtemps. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? Parce qu'on va en parler beaucoup. Qu'est-ce que c'est qu'une situation de blocage? Qu'est-ce qui se passe au niveau des courants atmosphériques? Alors, pour comprendre ça, il faut imaginer un peu qu'est-ce que c'est que la circulation atmosphérique dans la région euro-atlantique. Alors, vous savez, il y a ce qu'on appelle le jet stream, le jet. C'est ce vent d'ouest vers l'est qui se trouve à vers 10 000 mètres d'altitude et qui est créé par le contraste de température entre les zones subtropicales qui sont chaudes et les régions polaires qui sont froides. Après, il y a des lois physiques, typiquement la loi de Gauss parfait et la force de Coriolis qui créent ce courant. C'est comme une rivière, ça fait quelques centaines de kilomètres de large et il court de l'ouest vers l'est à travers l'Atlantique. Mais cette rivière a des méandres, elle n'est pas rectiligne. Elle fait des grandes vagues. Grande sinusoïde tout au long. Qui est, en fait, c'est des ondes. On appelle ça les ondes de Rossby. On les appelle ondes parce qu'en fait, on les décrit avec une équation que les équations des ondes. C'est la même équation qui décrit les ondes électromagnétiques ou les ondes de la mer, etc. Alors, ces ondes se propagent sur ce fil tendu qui est le jet stream. C'est un peu comme quand on a une corde tendue, on lui donner un coup et on voit une onde qui se propage. Alors, c'est la même chose. Et ces ondes essayent de remonter le jet, c'est-à-dire que le jet va vers l'est et les ondes courent vers l'ouest. Et entre ces deux, c'est le jet qui l'emporte normalement. Et quand on regarde les perturbations à la télévision, on voit ces ondes qui se déplacent vers la droite, vers l'est. Et c'est ça qui porte le temps, qui fait changer le temps. Les ondes de Rossby. C'est les ondes de Rossby. Mmh. Alors, ces ondes de Rossby, il y en a quelques-unes qui sont assez grosses et assez rapides pour arriver à la même vitesse que le jet. Et donc, quand on les regarde sur une carte, elles restent figées. C'est des situations qui sont très persistantes et qui portent à des conditions météorologiques persistantes, comme le blocage ou comme la situation qu'il y a eu en juin. Alors, la grande question est comment changent ces choses? Le climat change, comment change le temps? Okay? Alors, une des hypothèses qui a été émise est que du fait que le contraste de température entre les subtropiques et le pôle diminue. Il faut savoir que le changement climatique est beaucoup plus fort au pôle qu'à l'équateur. Et notamment en Arctique. Notamment au pôle nord, oui. On appelle ça l'amplification arctique. Alors, ce contraste diminue. Alors, par conséquent, purement des lois physiques, ça doit affaiblir le jet. Et effectivement, en été, on commence à voir que le jet est moins fort. Mais aussi, on fait l'hypothèse que ça doit rendre le jet beaucoup plus sinueux, okay, faire beaucoup plus d'ondes. Et aussi, s'il y a un jet plus faible, il y aura plus d'ondes qui arrivent à le remonter assez pour être figées. Et donc, on devrait augmenter la persistance des phénomènes atmosphériques. Alors, cette chose, et il y a aussi d'autres phénomènes beaucoup plus complexes qui contribuent à l'augmentation de l'amplitude des ondes. C'est des phénomènes qui s'apparentent un peu à la résonance, hein, un peu comme la résonance en acoustique, etc. C'est des situations qui se créent, par exemple, quand le jet se divise en deux. Et en gros, il y a deux ondes qui rentrent en résonance et donc ils peuvent s'amplifier beaucoup. Alors, il y a des chercheurs qui affirment que ce phénomène a accompagné beaucoup de phénomènes extrêmes de chaleur ou de pluie ou de froid. Alors, c'est encore un débat. Il y a eu des réponses à ces études qui tendent à montrer qu'on n'a pas vraiment à l'évidence. Et tout ça pour dire que c'est un champ de recherche tout à fait ouvert et tout à fait fascinant. Frédéric Courdin, sur cette hypothèse. Oui, voilà, donc ça c'est tout un champ de recherche, effectivement, sur essayer de comprendre si la nature même des événements météorologiques qui créent ces vagues de chaleur se modifie avec le changement climatique. Mais il faut bien comprendre que dans l'augmentation des vagues de chaleur elles-mêmes, il y a une composante qui n'est pas liée du tout à ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser en séparant deux aspects. Hein. Un aspect, c'est on se dit, les vagues de chaleur, c'est des événements, donc c'est des événements météorologiques qui peuvent se produire avec une certaine fréquence, une certaine statistique. Donc on a une distribution de ces événements, distribution de probabilité, de type d'événements. Plus ils sont extrêmes, moins on en a souvent. Voilà. Et cette distribution, si on la regarde en termes de température, ce qui lui arrive avec le réchauffement climatique, c'est qu'elle se décale, parce que toutes les températures, en fait, se réchauffent. Donc il y a un premier effet complètement automatique de l'augmentation des canicules, qui est juste le décalage vers le chaud de cette distribution. Voilà. Et ce dont on parle là, c'est la partie complémentaire à ça, c'est est-ce qu'il y a autre chose que ça, en fait ? Est-ce que, par ailleurs, la nature même de ces événements météorologiques se modifie ? Est-ce qu'on aura plus souvent des événements qui seront favorables ? Typiquement plus d'événements de blocage qui ferait que en plus du décalage systématique de toute la distribution de température, en plus de ça en fait on aurait un extrême dans la distribution vers les distributions chaudes qui seraient davantage favorisées du fait de conditions météorologiques plus favorables. Aurélien Ribe, sur ce débat. Oui, alors je suis d'accord avec Frédéric pour dire qu'effectivement c'est important de dire que en fait, pour rendre compte de la translation de la distribution simulée par les modèles, en fait, l'aspect thermodynamique, donc non dynamique, juste le réchauffement généralisé de l'ensemble du spectre des températures possibles, est quand même l'effet principal. C'est l'ordre zéro vraiment du phénomène. Autrement dit, c'est l'augmentation de l'effet de serre. Hein. Et puis donc sur ce terme dynamique, alors je pense que mes collègues ont été brillants pour l'expliquer, donc je ne vais pas ajouter grand-chose. La seule petite chose que peut-être je voulais rajouter par rapport à ce que disait Fabio, c'était que en fait, certes, on a ce qui complique un petit peu la compréhension de ce mécanisme d'affaiblissement du jet, c'est qu'on a un gradient entre les températures au pôle et l'équateur qui va diminuer en changement climatique parce que le pôle se réchauffe davantage que l'équateur. Mais ça, c'est vrai en surface. Et en fait, c'est vrai en surface seulement. Et quand on regarde la haute atmosphère, et le jet, c'est quelque chose qui se passe assez haut, c'est au sommet de la troposphère, en haute atmosphère, c'est l'inverse qui se passe. C'est l'équateur qui se réchauffe davantage. Et donc, c'est cet équilibre entre ce qui se passe en surface et ce qui se passe en altitude qui rend la discussion un petit peu compliquée. Fabio Dondrea, oui. Tout à fait d'accord. non, c'est bien, je suis d'accord. Mais ce que tu dis, Aurélien, est vrai dans les modèles de prévision. Les observations, pour l'instant, ne montrent pas encore un réchauffement subtropical en hauteur. Peut-être pas encore, on le verra par la suite. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est justement une amplification polaire en surface. Et je pense que dans cette discussion, il y a quelque chose de vraiment intéressant à faire passer, c'est que quand on parle de tout ça, en fait, on a à la fois en tête ce qui a été observé, et c'est assez peu en fait, et les statistiques des modèles, sur lesquels on a une trentaine de modèles dans le monde qui ont fait des centaines de simulations, sur lesquelles on peut faire des vraies statistiques, mais dont on sait qu'ils ne sont pas parfaits. Et donc, on est toujours entre les deux, et donc, dans ces explications et dans les contradictions qu'il peut y avoir, il y a beaucoup cette recherche de savoir qu'est-ce que dit le modèle, qu'est-ce que disent les observations, etc. Fabio Dandrea, vous vouliez ajouter quelque chose aussi à propos du jet tout à l'heure ? Non, c'est pas nécessaire. Dans ces dernières minutes, j'aimerais qu'on parle justement un peu de l'anticipation donc de ces futures vagues de chaleur. On a compris les mécanismes, on a compris qu'effectivement, d'ores et déjà, la statistique nous montre que la multiplication de ces phénomènes se concentre sur les dernières années. Hein. Si on sans vous noyer dans les chiffres, on peut vous dire que depuis 2010, il y a eu 16 vagues de chaleur et que seul 2014 n'en a pas connu. Et que si on regarde à une échelle et si on remonte remonte jusqu'à 70 ans, c'est-à-dire jusqu'à 1947, il y en a eu 40, donc on voit bien que tout se concentre dans les dernières années. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qu'on est absolument sûr que toutes les années seront caniculaires? On est à peu près sûr de rencontrer des épisodes de vagues de chaleur? À quel moment finalement les modèles sur lesquels vous travaillez permettent non pas d'anticiper, mais en tout cas d'avoir une forme de certitude sur ce qui arrive et sur l'accélération de cette tendance, Frédéric Gourdin? Ouais, les modèles sont les seuls d'ailleurs qui nous permettent de dire des choses là-dessus, puisqu'ils sont les seuls qui nous permettent de nous projeter dans le temps. Les statistiques, si on fait des modèles purement statistiques qui essayent d'extrapoler ce qu'il y a dans le passé, il n'y a pas assez d'informations. Donc les modèles, on peut commencer à en avoir un peu parce que le signal commence, je vois Fabio qui hoche la tête. C'est vrai que sur les 30 dernières années, le signal climatique commence à sortir suffisamment du bruit pour qu'on puisse commencer à faire des projections. Mais disons que c'est vraiment une trentaine d'années. Si on dit que notre variable statistique, c'est la température moyenne d'été, bah, ça fait une trentaine, une quarantaine d'événements. C'est pas beaucoup avec toute la variabilité qu'il y a. Et donc, bon, c'est jusque-là. En tout cas, une chose que j'aime bien rappeler, c'est que les températures qu'on a aujourd'hui, en fait, elles ont été prédites par nos modèles dans les années 90. Mmh. Les premiers modèles qui ont fait des prévisions du temps prévoyaient des températures pour aujourd'hui qui sont très proches de celles qui sont observées. Donc, avec les mêmes modèles, on se projette dans le futur. Avec des modèles un peu perfectionnés même, j'imagine. Un peu améliorés par rapport aux modèles des années 80. Oui, ils sont améliorés. Il se trouve que les ingrédients, en fait, qui conduisent au changement. Les modèles se sont beaucoup sophistiqués. Ils sont beaucoup plus réalistes si on regarde leur capacité à bien simuler la pluie sur l'Afrique, sur l'Europe, les températures, etc. Mais en fait, les mécanismes qui expliquent ce réchauffement global, ils étaient déjà pour beaucoup présents dans les modèles. Et donc, en fait, les trajectoires qui suivaient en termes de température globale sont assez proche de celle qu'on prédit aujourd'hui. Et ceci dit, on a toujours une très forte incertitude. Donc je pense que, bon, c'est beaucoup répété, mais entre les modèles qui prédisent le réchauffement le plus fort et le plus faible, il y a typiquement un facteur 2, donc c'est très important. Et les modèles de cette époque-là se plaçaient déjà dans cette fourchette. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de changement très fort. Voilà, et ce qu'on voit avec ça, bon, déjà sur les observations, on voit que sur les années, je l'ai dit, 1990 jusqu'à maintenant, il n'y a plus un été qui est en dessous de la moyenne de ce qu'on avait avant. Et si on se projette, je crois que c'est Olivier Boucher qui l'a dit déjà, hein, ce que disent nos modèles, c'est que statistiquement, quand on arrive en 2050, et ça, quoi qu'on fasse, en fait, il faudrait réagir très vite pour ne pas atteindre ça, on va arriver à un été moyen qui sera la canicule de l'été 2003, qui lui, en termes d'été moyen, parce qu'il y a des événements caniculaires, en termes d'été moyen, 2003 reste très exceptionnel, on a posé la question tout à l'heure, même si les trois dernières étés commencent à s'en rapprocher franchement. Donc, Justement, c'est intéressant parce que vous parlez des modèles qui varient en fonction des scénarios du simple au double. Le GIEC, on a proposé 4 qui s'appellent les RCTP pour Representative Concentration Pathway, donc la concentration représente les schémas, enfin les allées, les chemins de concentration représentatifs, et qui sont très très distincts. Hein. Le plus optimiste estime un pic aux alentours de 2050, puis une stabilité. Et les plus pessimistes, business as usual, montrent qu'on atteint des sommets. C'est difficile pour nous citoyens de savoir à quoi se fier. Est-ce que aujourd'hui, depuis ces premiers scénarios du GIEC, on sait sur à quelle courbe il faut se fier? Est-ce qu'on est dans le haut du tableau? Est-ce qu'on est dans le milieu, dans le bas? Est-ce que qui peut répondre à ça? Je veux bien poursuivre. Oui. D'abord, l'incertitude d'un facteur 2 dont je parlais, c'est pour un scénario donné. Donc, je parlais de l'incertitude qui est liée purement aux approximations qu'on est en train obligé de faire sur la représentation des nuages, des couverts végétaux, etc. dans nos modèles. Donc ça, c'est pour un scénario donné, il y a une incertitude d'un facteur 2. Effectivement, là-dessus, vient se rajouter l'incertitude liée au scénario. Et donc celle-là est encore plus grande, en fait, hein, parce que bon, ben, si on était capable de subitement tout stopper en séquestrant du carbone, arrêtant complètement de consommer, etc., ce serait différent de ce qu'on est en train de faire, qui est en gros de continuer sur la trajectoire de ces dernières décennies. Donc ça, c'est une incertitude qui est plus grande. Ce qu'a dit Olivier Boucher, c'est qu'il faut être conscient qu'à cause de l'inertie du système, en gros jusqu'à 2040-2050, on n'est pas sensible au scénario économique. Donc le scénario économique, c'est vraiment ce qui va déterminer où est-ce qu'on terminera dans un siècle. Donc, et je pense que d'un point de vue d'ailleurs communication, bon, il y a beaucoup de discussions dans nos laboratoires là-dessus, c'est du coup, quelle est l'alarme qu'il faut faire? On est très alarmiste, si on n'agit pas dans l'année qui vient, c'est foutu. On entend beaucoup de discours comme ça. Ce qui est sûr, en fait, c'est pas vraiment ça, c'est qu'on sait qu'on va passer aux 2 degrés, on sait que Il y a une inertie qui fait qu'on aura la canicule de 2003 comme été moyen dans une cinquantaine d'années ou pas loin. Et en fait, si c'est 2050, c'est dans 30 ans. Dans 30 ans, j'ai dit. Oui, dans 30 ans. Oui. Et l'enjeu, en fait, c'est plutôt est-ce qu'on est capable de se mettre dans la transformation très forte qu'il faut faire pour ne pas avoir le plus 5, plus 8 dans 100 ans. Fabio D'Andrea. Oui, je vais rajouter une chose. Moi aussi, les différents scénarios. Donc, vous disiez à quelle courbe se fier. Et c'est de là que vient l'incertitude principale. Il faut penser que ces scénarios sont créés par des experts, économistes, sociologues qui se basent un peu sur leur expertise. Et il n'y a pas beaucoup d'équations, des choses un peu solides. Mais il faut dire que depuis les années 90, il y avait le scénario qu'ils ont prédit, qui est le scénario on fait rien, qui a été très bien reproduit. Ils ont bien fait leur travail. Aurélien Rib, pour conclure. Oui, alors sur cette question, je vais revenir peut-être à la caractérisation des vagues de chaleur du futur. Qu'est-ce qu'on peut dire pour les décrire, ces vagues de chaleur? Moi, il y a deux choses que je trouve intéressantes et puis qui donnent un peu à réfléchir. Dans un scénario, le fameux RCP 8.5, c'est le « on fait rien » de Fabio. Le « on fait rien » qui se prolonge tout au long du 21e siècle, donc augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre au cours de cette période. En fait, on essaie, donc à Météo France, il y a toujours cette tentative de replacer les vagues de chaleur du futur par rapport à celles d'aujourd'hui. On arrive en fait à des vagues de chaleur qui ne sont plus donc 6 jours ou une douzaine de jours comme en 2003, mais en fait qui durent sur l'intégralité de l'été. Certains étés, la vague de chaleur, il n'y en a qu'une en fait. Elle dure 3 mois. Ça, c'est ce qui se passe dans les 20 à 30 dernières années du 21e siècle. Toujours dans un scénario d'émission élevé. C'est la constante, hein. C'est-à-dire, on ne change rien, business as usual. Ça, c'est sur la base des définitions de la vague de chaleur que j'ai donnée tout à l'heure. Donc ça, c'est pour la partie un peu durée, quoi. Finalement, la fréquence pourrait même baisser, en fait, au bout d'un moment, parce qu'il n'y en a plus qu'une qui s'appelle l'été. Et puis, il y a une autre question, c'est à quoi il faut s'attendre comme température maximale? En particulier, il y a certains pays là qui en juillet ont passé un seuil symbolique des 40 degrés. Est-ce qu'en France, il faut se préparer par exemple à passer la barre symbolique des 50 degrés en métropole au cours du 21e siècle? Il y avait une étude il y a quelque temps de Margot Bador qui disait finalement on prend les records historiques. Donc les records historiques aujourd'hui depuis cette année c'est 46 degrés. Et puis de combien de degrés ça devrait augmenter au cours du 21e siècle? Ben, dans un scénario comme ça, il y a des chances substantielles que la barre des 50 degrés soit passée au cours de ce siècle. Et puis même on peut se demander en fait pour des infrastructures de type si je dois construire une centrale nucléaire par exemple, quelle est la température vraiment maximale qui ne sera pas dépassée au cours du 21e siècle dans un tel scénario, c'est certainement au-delà des 50 degrés. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir été à ce micro pour nous parler de ces vagues de chaleur. On n'a pas fini d'en suer. C'était un titre finalement qui conclut bien également cette émission. Merci Aurélien Rib, merci aux chers camarades de France Bleu Béarn à Pau pour le duplex. Merci Fabio D'Andrea, merci Frédéric Ourdin, merci Katinka Gavrilescu, merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbotte, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Céline Lozène, Natacha Triou, Olivier Bétard à la réalisation, Alice Seyed à la technique. Demain, nous reparlerons de la série à succès, puisqu'on en parlait à l'instant de Centrale Nucléaire, allons-y. La série à succès de l'été, mais on va en parler évidemment version méthode scientifique. Que s'est-il passé exactement le 26 avril 1986 à 1h23:44 dans le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl? On vous raconte l'histoire scientifique du plus grave accident nucléaire de l'histoire humaine demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.